We'll be right back. On est en 12 là, c'est ça? Eh, ça commence à où là? Ah, c'est toi, Blue Zari. Ah, ok. Ouais, c'est quel... A napkin summer pie. J'ai pas accordé ma basse. A street can always some tea. Where to walk and a play. C'est le départ. Je suis perdu. Ok. Ah, tu pars pas sur le 1, toi. Tu pars sur le 13. When I'm spent... Sur le 13, c'est ça? Ça. That's sweet and sweet. Je suis perdu dans les accords. What's basse, merde. Ouais, mais tu pars pas sur un, toi. Ok, c'est pas grave. Un peu fort là. Voilà. And since the time of fate, I'm looking at my soul. And maybe sweet is the eternal old. I'm never wanna see a words to do them all. But it is taken along. Dancing in a club, look so happy when I know with you. But when you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away and make you cry when I run away. I don't know. When I run away, I make you cry. When I run away, you could ask me when I broke your arm. You could tell me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there. And just pretend like you didn't care. I don't know when I run away. Oh, I make you cry when I run away. I don't know when I run away. I'll make you cry when I run away. make you cry, wanna run away. I don't know when run away. I make you cry by blue's eye. I saw you dancing in the club room. You look so happy when I'm not with you. When we show me caught by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know when I run away. I'll make you cry when I run away. I don't know when I run away. I'll make you cry when I run away. You could ask me when I broke your heart. You could tell me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretend like you didn't care. You can't run away. I don't know when I run away. I'll make you cry when I run away. I don't know when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save a tear for another day. Save a tear for another day. I made you feel that I will always stay. Allez Titi, fais-nous un petit solo. Drummer. Allez Rihanna, à la batterie. I don't want to run away. Bon, on n'est pas tempo par contre. I'm sorry. I saw you dancing in a club room. You look so happy when I'm not with you. When you saw me caught you by surprise, I see your teardrop falling from your eyes. I saw you dancing in the club room. You look so happy when I'm not with you. When you saw me caught you by surprise, faut mettre un casque. have to use a helmet. You absolutely have to use a helmet. You absolutely have to use a helmet. C'était pas la bonne traduction. You absolutely must use headphones. You absolutely must use headphones. You absolutely must use headphones. You absolutely must use headphones. C'était pas la bonne traduction. You absolutely have to use headphones to play, please. You absolutely have to use headphones to play, please. En fait, en plus, on était pas sur le 1. Ah, attends, c'est qui ça? Salut, Titi. Ah, ok. Ah, ok, Rihanna. En fait, il faut que tu mettes un casque. Je te mettais en anglais, mais t'es français. En fait, en plus, on était pas sur le 1. C'est toi, non? Je sais pas si. En fait, tu dois mettre un casque. Sinon, après, on entend. Salut, Titi. Ouais, tu vois, après, on entend longtemps après le. Ah, ok. Ah ok Rihanna, en fait il faut que tu mettes un casque. Je te mettais en anglais mais t'es français. Tu vois? Ah bah c'est pas toi alors. C'est toi non? Je sais pas si. En fait tu dois mettre un casque. C'est pas toi sinon, alors. Après on entend. Ouais tu vois? Après on entend longtemps après le. Pourquoi je me re-entends? Tu vois? C'est moi alors. Ah bah c'est moi pas toi peut-être. Alors. C'est pas toi alors. Ouais, c'est bizarre. Attends. Attends, j'entends. Ah si. Si on entend ton métronome. Pourquoi je me re-entends alors. Si on entend ton métronome. C'est donc moi, en alors. Fait. C'est moi peut-être. Ouais, c'est bizarre. Attends. Bon, je sais pas. Ah si. Si on entend ton métronome. Si on entend ton métronome. Donc en fait ma séquence elle est pas calée parce que avec le gars qui avait fait. Oh, je sais pas. La musique d'avant là, il s'était mis, il partait pas sur le 1. Du coup, je me suis calé sur lui, donc ça part pas sur le 1. Blues Eye était parti sur une autre mesure. C'est pour ça que je suis pas sur le 1, ça m'énerve, mais bon. Et comme je peux pas rester. C'est bientôt partir. Yeah, ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Ouais, parce que j'ai arrêté la séquence et je l'entends encore. Ça va baisser. Vous allez voir, je vais baisser le son. Ouais, parce que j'ai arrêté la séquence et je l'entends encore. Ça va baisser. Vous allez voir, je vais aller manger, moi. Bon, moi, je vais aller manger, moi. Salut, à bientôt. Thank you.